Bon, je commence par le moment le plus agréable, qui est celui pour moi des remerciements. Et donc, je remercie beaucoup le centre de recherche du château de Versailles qui nous accueille dans ce bel auditorium, les conservateurs du château, qui seront d'ailleurs représentés au cours de cette même journée, avec un mot particulier pour Madame Olivia Lombardi, qui a eu en charge toute la logistique dans cette préparation. Alors, comme l'a rappelé Monsieur Davina, qui a été mon interlocuteur privilégié lors de la préparation de cette journée, l'origine est en fait une journée Saint-Simon et Proust que j'avais co-organisée avec Marc Hersant, qui se trouve ici dans la salle et que vous verrez intervenir assez rapidement dans cette matinée, sur Saint-Simon et Proust. Le domaine de Versailles avait organisé cela en collaboration avec la société Saint-Simon, tout d'ailleurs est résulté un beau numéro des cahiers Saint-Simon. Et c'est à ce moment-là que, dans cette mouvance et dans cet enthousiasme, j'avais proposé à Mathieu Davina la possibilité de cette journée. Il en a parlé au centre de recherche du domaine de Versailles, qui a bien volontiers donné son accord. Je voudrais aussi remercier la Bibliothèque centrale de Versailles, qui a accompagné cette journée en ouvrant ses archives, en délivrant ses autorisations pour la suite. La bibliothèque aurait dû être représentée aujourd'hui, mais tout le personnel a une journée de formation, ce qui explique qu'ils ne soient pas là physiquement, mais ils ont beaucoup participé à cette journée. Nous aurons bientôt la présence de Monsieur Jean-Yves Tadié, qui a bien voulu nous honorer d'une présidence de séance que nous réaménagerons au besoin suivant les horaires. Bien sûr, cette journée lui rend hommage. On aura l'occasion de le rappeler tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier quelqu'un qui est dans cette salle, Madame Claire Salvi, qui est l'arrière-petite-fille de Pierre de Nauillac. J'ai prononcé selon la prononciation régionale et familiale. Et vous savez évidemment combien Pierre de Nauillac a été un éminent conservateur du domaine du musée de Versailles au temps de Proust. Et donc, je rappellerai tout à l'heure que en tout cas, mon intervention lui doit mes ressources. Je voudrais aussi signaler la présence de Monsieur Jérôme Bastianelli, qui est dans cette salle, directeur général délégué du musée du Quai Branly Jacques Chirac, dont le dictionnaire Proust-Ruskin vient de se voir attribuer le prix de la Madeleine d'Or. Donc nous avons là quelque chose de tout à fait intéressant. Alors je me réjouis de voir arriver Monsieur Tadié. Je vous en prie. Oh, venez. Je vois tous les pavillons de Versailles, venez ici. Sauf le beau. Merci. Voilà. Alors je viens, Monsieur Tatier, de vous évoquer, bien sûr, de vous remercier pour le rôle dans cette journée et pour dire que, au fond, cette journée, nous pouvions vous la dédier en hommage. Non, pas question. Si, il en sera question. Je me réjouis aussi de voir dans cette salle Madame Eva de Vengoechea, qui est la petite nièce et ayant droit de Reynaldo Hahn, et Philippe Blais, son voisin, qui est le principal spécialiste de ce compositeur et qui est son biographe en préparation et bientôt effectif. Donc nous attendons cela avec beaucoup d'impatience, bien sûr. Cet après-midi, nous verrons dans cette journée Annelise Gastaldi, Pierre Ivanov, les talentueux organisateurs des journées musicales Marcel Proust à Cabourg, dont la prochaine saison aura lieu à l'automne 2018. Je dirai un mot simple en mémoire de notre regretté confrère Philippe Chardin, récemment disparu. Il était parisien et s'il était là parmi nous, il serait venu à cette journée et nous aurait fait partager sa science souriante que nous avons tous remarquée. Je terminerai bien sûr en remerciant l'Institut universitaire de France, grâce auquel cette journée pourra donner lieu à une publication comprenant de belles reproductions d'images que nous verrons dès la première intervention de cette matinée. Alors, quelques mots d'introduction. Proust et Versailles. Versailles est évidemment un lieu familier à Proust, né et mort à Paris. C'est le Versailles de la Belle Époque que notre premier conférencier va faire revivre devant nous grâce à des images historiques, grâce à des images d'archives. Mais derrière cette évidence, il y a malgré tout deux facteurs de complexité. Je dirais une ouverture sur la société et d'autre part, le reflet d'une époque dans une autre. Alors, Versailles, c'est la cité royale, on trouve cette expression dans les lettres de Proust, c'est le musée de la monarchie française, de Louis XIV à Louis XVI et au-delà. Et donc, cela nous pose le rapport général de Proust à l'histoire, et plus particulièrement aux deux siècles classiques, celui de l'époque de Saint-Simon et celui d'une génération antérieure par rapport à l'écriture des mémoires, la cour de Louis XIV. Et donc, Proust fait fructifier l'enseignement scolaire de son époque en étant imprégné surtout de la civilisation et de la littérature du XVIIe siècle, un peu plus rétif sans doute à l'égard de la littérature du XVIIIe siècle, comme on l'était dans l'enseignement de l'époque, mais non du tout l'art de cette époque. À mon sens, Proust est, je dirais, totalement apolitique, ce qui l'ouvre à apercevoir la grandeur et les beautés de l'ancienne France. Il n'a pas d'obstacle pour les apercevoir. Je citerai ce témoignage, peut-être pour nous un peu surprenant et qui n'est pas souvent cité, de son ami Maurice Duplay, dans « Mon ami Marcel Proust », qui avait paru chez Gallimard en 1972, donc assez tardivement. Et donc, Maurice Duplay relate une conversation dans la rue, tout près du domicile de Proust, et donc à proximité de la chapelle expiatoire du square Louis XVI, qui est proche du 102 boulevard Haussmann, entre le dramaturge Henri Bernstein, qui est là, dans la rue, Proust et Maurice Duplay. Cette conversation qui se trouve tombée sur la Révolution française. Et alors, Maurice Duplay rappelle que son ascendant était menuisier, qui avait été l'hôte de Robespierre pendant la Révolution. Or, face à ces deux interlocuteurs, qui sont d'accord pour estimer que les hauts faits de la Révolution en rachètent les excès, Proust n'est pas de cet avis. Ce que je reprocherais le plus à la Révolution, c'est Proust qui parle, les propos rapportés par Maurice Duplay, voyez-vous, c'est d'avoir persécuté systématiquement tout ce qui était gracieux, aimable. C'est cette légion de femmes envoyées aux bourreaux, au premier rang desquelles il nomme Marie-Antoinette, grandie par le malheur. À la suite de quoi, de façon plus générale, Proust compare la terreur à une espèce de démence collective. Et il ajoute « Ces conventionnels se croyaient des Romains. Ils parlaient et gesticulaient à leur manière. » Tout à fait comme certains pensionnaires de Sainte-Anne se prétendent généraux, archevêques, empereurs. Et Maurice Duplay termine, « L'aube blanchissait le square Louis XVI quand Bernstein et moi nous retrouvâmes boulevard Haussmann, quelque peu étonnés et choqués par les idées de Marcel Proust touchant à la Révolution française. » Alors, Proust n'est pas pour autant un monarchiste militant. Il ne dira pas, après Balzac, dans son avant-propos de la Comédie humaine, « J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion, la monarchie ». Et il écrit au même Maurice Duplay, en mai 1905, que certes, les thèses défendues par les écrivains sont souvent fausses. Et il ajoute « Et si la monarchie absolue et le cléricalisme ne sont pas le seul recours de la France, cela rend-il le médecin de campagne un moins beau livre et les romans de Barbet d'Aurevilly ». Nous aurions pour cerner ce cas, cette position de Proust, le cas exemplaire dans La recherche du temps perdu de Robert de Saint-Loup. Robert de Saint-Loup, le flamboyant jeune marquis de la recherche, dont Philippe Berthier dans une récente monographie qu'il a consacrée à ce personnage aux éditions de Fallois en 2015, remarque qu'il met sans effort en échec nos idées démocratiques et droits de l'homiste, en incarnant le prestige aristocratique, mais sans esprit de caste, incarnant l'attachement au pays jusqu'à mourir au champ d'honneur, il faut le rappeler, mais sans engagement, passant superbement par-dessus la révolution, l'antagonisme entre la République et la monarchie, en une synthèse qui apparaît incarnée en lui, évidente et lumineuse. Et je crois que c'est sous ce jour qu'il faut apercevoir la cité royale invoquée sous la plume de Proust. Alors, l'autre versant qui nous fait un petit peu difficulté et qui conditionne l'ordre des conférences dans cette journée, c'est l'ouverture sur la société. Les rapports entre Proust et Versailles reposent exclusivement sur un réseau de relations sociales, un enchevêtrement assez complexe de circonstances biographiques. Et Proust lui-même écrit ce Versailles où le passé est double, de deux siècles, c'est-à-dire à la fois le passé historique de la France et le passé personnel, individuel. Et donc on voit ces deux périodes qui se reflètent l'une dans l'autre. D'où résulte la particularité de ce sujet, c'est qu'il ne peut être approché que par l'examen d'un réseau d'amitié. Le cercle des amis de Proust, que tout un groupe de spécialistes est en train depuis plusieurs années de parcourir sous la direction de Jean-Yves Tadier, sans compter le témoignage privilégié de René Péter dans Une saison avec Marcel Proust, qui a également été publié par Jean-Yves Tadier en 2005. Péter, le compagnon presque quotidien de Proust durant les quelques mois qui passa l'écrivain à l'hôtel des réservoirs au début de l'année 1906. Et on peut dire que cette période nous apparaît un peu comme un laboratoire au seuil de la recherche du temps perdu. Voilà pourquoi, au fil de cette journée, il faut dire que nous nous approcherons du Versailles de Proust en traversant la destinée et l'œuvre d'Henri de Régnier. Nous avons un spécialiste ici, de Robert de Montesquieu. Nous avons également une spécialiste ici, mais aussi, on le verra, de Reynaldo Hahn, de la famille Daudet, de tant d'autres. Le champ de fouilles semble infini, mais une telle enquête est cependant fructueuse pour apercevoir avec le plus de justesse possible le rôle tantôt voyant, tantôt sous-jacent de Versailles dans les écrits de Proust et notamment dans son œuvre principale qui sera directement abordée dans cette fin de journée et notamment à travers la conférence de clôture de M. Tadier. Ainsi s'édifie peu à peu, écrit précisément Jean-Yves Tadier dans la biographie qu'il a consacrée à Proust, ainsi s'édifie peu à peu dans l'esprit de Proust un mythe de Versailles auquel la littérature contribue autant que la promenade. Ça pourrait servir d'exergue, au fond, à cette journée. Alors, Proust évoque quelque part l'impression ressentie par le visiteur de Versailles qu'il peut à tout instant faire la rencontre familière au coin d'un bosquet du roi Louis XIV. L'auteur des très romanesques Enquêtes de Monsieur Proust, paru chez Gallimard en 2014, Pierre-Yves Leprince, imagine, certains d'entre vous ont peut-être lu ce livre, notre écrivain confronté au fantôme de Versailles, aperçu par deux Anglaises en août 1901. Et nous-mêmes, dans notre imaginaire de Versailles, nous avons ajouté au fantôme de l'ancienne France eh bien celui de Proust, le visiteur de Montesquieu, le locataire de l'hôtel des réservoirs, l'admirateur, on le verra, de Pierre de Nauillac. Sans doute, le ressort secret de notre enquête d'aujourd'hui, qui va nous occuper pendant cette journée, est-il cet inépuisable réservoir d'imaginaire qui vient exercer une heureuse pression sur la beauté et le prestige, quant à eux bien réels, de Versailles. Et donc, maintenant, promenons-nous dans les allées, dans la bâtisse, nous allons bientôt y apercevoir Marcel Proust. Je vous remercie.